Souvenir de Carême. Le sermon. Sur les marches du temple, les fidèles se pressent. Les toilettes, déjà printanières, miroitent au soleil, les jupes balayent la poussière de leurs grands plis flottants, les plumes et les rubans s'agitent, la cloche tinte pieusement et les équipages arrivent au trot, déposent sur la dalle ce que le faubourg possède de plus pieux et de plus noble, puis viennent se ranger en file au fond de la place et alignent leurs écussons. « Dépêchez-vous, fendez la foule, si vous voulez être en place, car l'abbé Gélon prêche aujourd'hui sur l'abstinence, et quand l'abbé Gélon prêche, c'est comme si la patrie chantait. Entrez, madame, poussez la triple porte qui se referme lourdement, d'une main rapide, frôlez le goupillon que vous présente le pieux vieillard, et faites avec soin un petit signe de croix gracieux, mignon, qui ne tache pas vos rubans. Entendez-vous ces chuchotements discrets, aristocratiques ? « Bonjour, ma belle. Bonjour, mignonne. C'est toujours sur l'abstinence qu'il va prêcher. Avez-vous une place ? Oui, oui, venez avec moi. C'est le fameux chapeau. Oui, l'aimez-vous. Un peu perroquet, pas vrai ? Que de monde, bon Dieu ! Où donc est votre mari ? Comment, perroquet ? Il est ravissant. Mon mari est dans le banc d'œuvre. Il est parti avant moi. Ça devient du fanatisme chez lui. Il parle de déjeuner avec des radis et des lentilles. » Cela doit être une bien douce consolation pour vous. Ne m'en parlez pas. Suivez-moi. Tiens, voilà Ernestine et Louise. Toujours son nez, cette pauvre Louise. Qu'est-ce qui croirait qu'elle ne boit que de l'eau ? Et ces dames s'avancent au milieu des chaises qu'elles renversent en passant avec une certaine noblesse. Une fois placées, elles s'affaissent sur leur prie-Dieu, jettent un regard d'adoration, regard voilé, profond, humide, sur le maître-autel, et cachent ensuite leur visage dans leurs petites mains gantées. Durant 2 minutes, elles s'abîment gracieusement dans le Seigneur, s'assoient ensuite, façonnent coquettement l'énorme nœud de leur chapeau, puis à travers un petit lorgnon d'or qu'elles soutiennent en relevant le petit doigt, elles promènent sur l'assistance un regard clignotant et, tout en agaçant les plis satinés d'une jupe difficile à contenir, elle distribue à droite et à gauche d'adorables petits bonjours, de délicieux petits sourires. « Êtes-vous pas mal, mignonne ?»« Parfaitement, merci. Voyez-vous là-bas, entre les deux cierges, Louise et Madame de C. Est-il permis de venir à l'église ainsi fagotée ?»« Oh, je n'ai jamais eu grande confiance dans la piété de Madame de C. Vous savez son histoire, l'histoire du paravent. Je vous raconterai cela plus tard. » Ah, voilà le bedeau. En effet, le bedeau à chaînette montre sa tête luisante dans la chair de vérité. Il prépare le siège, dispose le petit banc, puis s'efface et laisse passer l'abbé Gélon, un peu pâli par le jeûne du carême, mais admirable comme toujours de dignité, d'élégance et d'onction. L'auditoire s'agite un instant et s'installe confortablement. Le bruit cesse et tous les regards pieusement avides se tournent vers le visage de l'orateur. Celui-ci, les yeux au ciel, est droit et immobile. On devine un coin du ciel dans son regard inspiré. Ses belles mains blanches qu'une fine dentelle entoure sont négligemment posées sur le velours rouge de la chair. Quelques instants encore, il attend, puis il tousse 2 fois, déplie son mouchoir, dépose dans un coin son chapeau carré et, avançant le corps en avant, il laisse tomber de ses lèvres, avec cette voix douce, lente, persuasive, adorable que vous lui connaissez, le premier mot de son sermon, « Mesdames ». Il n'a dit que cela et déjà tous les cœurs lui sont gagnés. Lentement, il promène sur son auditoire un regard velouté qui pénètre et attire, puis, après quelques mots latins qu'il a le tact de traduire bien vite en français, il ajoute « Qu'est-ce que l'abstinence ? Pourquoi faire abstinence ? Comment faire abstinence ?» Ce seront là, mesdames, les 3 points que nous allons développer. Il se mouche, crache, tousse, un saint frémissement agite toutes les âmes. Que va-t-il dire ? Magnifique sujet, écoutons. N'est-il pas vrai, madame, que votre cœur est pieusement ému et qu'en ce moment vous ressentez une véritable soif d'abstinence et de mortification ? Le lieu saint est noyé dans une douce obscurité assez semblable à celle de votre boudoir et qui porte à la rêverie. Je ne sais quoi d'ineffable et de vaguement enivrant vous pénètre. La voix de ce beau vieillard vénéré, au milieu de ce grand silence, a quelque chose de délicieusement céleste. Des échos mystérieux répètent dans les profondeurs du temple chacune de ses paroles, et dans l'ombre du sanctuaire, les chandeliers d'or étincellent comme des pierreries. Les vieux vitraux, aux dessins symboliques, s'illuminent tout à coup. Des flots de lumière et de soleil traversent l'église comme une lame de feu. Est-ce le ciel qui s'entr'ouvre ? Est-ce l'esprit d'en haut qui descend parmi nous ? Et, perdu dans une pieuse rêverie qui vous berce et vous charme, vous regardez avec extase les capricieuses sculptures qui se perdent dans les voûtes et les tuyaux étranges du grand orgue où s'envoient. Les croyances enfantines, saintement cultivées dans votre cœur, se réveillent tout à coup. Un vague parfum d'encens se promène encore dans l'air. Les colonnes de pierre s'élancent à des hauteurs infinies et de ces voûtes célestes descend la lampe d'or qui se balance et promène dans l'air son éternelle lumière. Dieu est grand. Peu à peu, les suavités de la voix du prêtre vous ravissent davantage. Le sens de ses paroles s'efface et au divin murmure de la voix sainte, comme un enfant qui s'endort dans le sein de Dieu, vos paupières se ferment. Vous ne dormez point, mais votre tête se penche, le bleu vous environne, et votre âme, amoureuse du vague, s'élance dans des espaces célestes et se perd dans l'infini. Sensation douce et saintement enivrante, extase délicieuse, et quelques-uns pourtant sourient de cette religieuse mise en scène, de ses pompes et de ses splendeurs, de cette musique céleste qui amollit les nerfs et fait vibrer le cerveau. Pitié pour ces rieurs qui ne comprennent pas l'ineffable jouissance de s'ouvrir les portes du paradis à volonté et de se rapprocher des archanges dans ces moments perdus. Mais que sert de parler des impies et de leur impuissant sourire, comme l'a dit l'abbé Gélon, d'une si adorable façon ? Notre cœur est une forteresse assiégée sans cesse par l'esprit des ténèbres. L'idée d'une lutte constante contre ce personnage puissant a quelque chose qui centuple les forces et flatte assez la vanité. Quoi ? Seul dans votre forteresse, madame ? Seul contre le noir ennemi ? Mais chut ! L'abbé Gélon termine d'une voix vibrante et fatiguée. Sa main droite trace dans l'air le signe de paix. Puis il essuie son front couvert de sueur, ses yeux brillent d'un éclat divin, il descend l'étroit escalier, on entend les coups réguliers de la canne du bedeau qui le reconduit à la sacristie. A-t-il été assez beau, mignonne ? Adorable quand il a dit « que mes yeux se ferment à jamais si, vous vous souvenez ?» Superbe ! Et plus loin encore, « oui, mesdames, vous êtes coquettes, il nous a dit des duretés, il parle admirablement !» Admirablement, il est divin. Les pénitentes. Il est 4 heures, l'église est plongée dans l'ombre et le silence. C'est à peine si le roulement des voitures arrive confusément dans ce séjour de la prière et le craquement de la botte qui se répète au loin est le seul bruit humain qui trouble ce grand calme. Cependant, à mesure qu'on avance, on aperçoit dans les chapelles des groupes de fidèles agenouillés, immobiles, silencieux. À voir le désespoir que semble exprimer leur personne, on est accablé de tristesse et d'inquiétude. Est-ce un appel de condamnés ? Une de ces chapelles offre un aspect particulier. 100 ou 150 dames, perdues dans le velours et la soie, sont entassées saintement autour du confessionnal. Une douce odeur de violette et de verveine embaume les environs et l'on s'arrête malgré soi devant cet amas d'élégance. Des deux cellules de la pénitence, les flots d'une jupe insoumise s'élancent au dehors car la pénitente, retenue à la taille, n'a pu faire entrer que la moitié de son corps dans le petit endroit. Cependant, l'on aperçoit dans l'ombre sa tête qui s'agite et l'on devine, au mouvement contrit de sa plume blanche, que son front s'incline sous la remontrance et le repentir. À peine a-t-elle terminé son petit récit que 10 voisines se précipitent pour la remplacer. Cet empressement se comprend et s'explique, car cette chapelle est celle où l'abbé Gélon confesse, et vous savez que lorsque l'abbé Gélon confesse, c'est absolument comme s'il prêchait, il y a foule. Il dirige toutes ces dames, ce bon abbé, et, avec un dévouement angélique, reste enfermé pendant des heures dans cette cabine étroite, sans lumière et sans air, à travers les grilles de laquelle deux éternelles pénitentes lui soufflent constamment leurs péchés. Ce bon abbé, ce qu'il a d'adorable, c'est qu'il n'est pas long. Il sait éviter les détails inutiles. Il voit l'état de l'âme avec une finesse de tact et une sûreté de coup d'œil qui vous évite mille embarras. De sorte qu'étant par-dessus le marché, homme d'esprit et du monde, il vous rend presque agréable le récit de ses petites faiblesses dont il vous a soufflé la moitié. On arrive auprès de lui un peu embarrassé de son léger paquet, et tandis qu'on hésite à lui tout raconter, d'une main discrète et savante, il dénoue l'objet, en examine rapidement le contenu, sourit ou vous console, et l'aveu est fait sans qu'on ait dit un mot. En sorte qu'on s'écrie, en se prosternant devant Dieu, « Mais Seigneur, j'étais blanche, blanche comme le lys, et moi qui m'inquiétais !» Alors même que sous l'habit sacerdotal, il cesse d'être homme et parle au nom de Dieu, le timbre de sa voix, la finesse de son regard trahissent la distinction native et révèlent cette fleur de courtoisie qui ne saurait nuire au ministre de Dieu et dont on ne peut se passer de ce côté-ci de la rue du Bac. Si Dieu veut qu'il y ait dans le monde un faubourg Saint-Germain, et l'on ne saurait nier qu'il le souhaite, n'est-il pas juste qu'il nous donne un ministre parlant notre langue et comprenant nos délicatesses ? Cela tombe sous le sens, et je ne comprends pas en vérité certaines de ces dames qui viennent me parler de l'abbé Brice. Non pas que je veuille dire du mal de ce brave abbé, ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est un saint homme, mais d'une sainteté un peu commune, et qui demanderait un coup de brosse. Il faut lui mettre les points sur les i, il comprend mal ou ne comprend pas du tout. Avouez-lui une peccadille, et son sourcil se fronce. Il lui faut l'heure, l'instant, les circonstances, les antécédents. Il examine, il palpe, il pèse et finit, avec ses mille questions, par être indiscret et friser l'inconvenance. N'y a-t-il pas même dans la sainte mission du prêtre une façon d'être sévère avec politesse et de rester gentilhomme avec les gens bien nés ? L'abbé Brice sent la charrue, pourquoi ne le dirais-je pas ? Et cela lui nuira. Il est bien un peu républicain, mal chaussé, des ongles déplorables, et quand il a ses gants, deux fois par an, ses doigts restent écartés et roides. Je ne nie pas ses admirables vertus, remarquez bien. Mais vous aurez beau faire, vous n'amènerez jamais une femme du monde à raconter ses petites affaires au fils de son fermier en lui disant « mon père ». Il ne faut pas non plus pousser les choses jusqu'à l'absurde. Et puis, je ne sais, mais cet excellent abbé Brice répand une détestable odeur de tabac à priser. Il confesse toutes sortes de gens, et vous conviendrez qu'il est désagréable d'avoir sa femme de chambre ou sa cuisinière pour vis-à-vis de cellule. Il n'y a pas de femme comprenant mieux que vous, chère madame, l'humilité chrétienne. Mais enfin, vous n'avez pas l'habitude d'aller en omnibus et vous ne tenez pas à l'apprendre. On vous dira qu'au ciel, vous serez trop heureuse d'appeler votre cocher mon frère et de dire à Rosalie, ma sœur, mais ces braves gens auront avant passé par le purgatoire et le feu purifie tout. D'ailleurs, qui m'assure que Rosalie ira au ciel, puisque vous-même, chère madame, vous n'êtes pas sûre d'y entrer. On comprend donc parfaitement que la chapelle de l'abbé Gélon soit pleine. Si l'on chuchote un peu, c'est qu'il y a trois grandes heures que l'on attend et que tout le monde se connaît. Toutes ces dames sont là en vérité. Faites-moi donc une petite place, ma belle, dit tout bas une nouvelle arrivante, en se faufilant au milieu des jupes, des prie-dieux et des chaises. Ah, c'est vous, chère amie, venez donc. Clémentine et madame de B sont là, dans le coin, à la bouche du canon. Vous en avez pour de bonnes heures. Si madame de B est là, ça ne m'étonne pas. Elle est intarissable. Il n'y a pas de femme qui raconte plus lentement. Est-ce que tout ce monde-là n'a pas encore passé ? Ah, voilà Ernestine. Elle lui adresse de la main un petit salut discret. C'est un ange, cet enfant-là. Elle m'a avoué l'autre jour qu'elle avait la conscience fort troublée parce que, la lecture de la passion, elle ne pouvait pas se décider à embrasser le paillasson. « Ah, charmant ! Mais dites-moi, est-ce que vous l'embrassez, ce paillasson ?»« Moi, jamais de la vie, c'est fort malpropre, ma chère. Vous en accusez-vous au moins ?»« Oh, je m'accuse de tous ces petits brimborions en masse. Je dis, mon père, j'ai eu du respect humain, je donne le total. » C'est absolument comme moi. et ce bon abbé Gélon acquitte la note. Sérieusement, le temps lui manquerait s'il voulait faire autrement. Mais il me semble que nous causons un peu trop mignonne. Permettez que je songe à mes affaires. Madame s'étale sur son prie-dieu. Élégamment, elle ôte, sans quitter des yeux l'autel, le gant de sa main droite, et de son pouce elle fait tourner, en remuant les lèvres, sa bague de Sainte-Geneviève qui lui sert de chapelet. Puis, les yeux baissés et la bouche pincée, elle soulève le fermoir fleurdelisé de son livre d'heures et y cherche les prières qui ont rapport à sa position. Lisant avec ferveur, « Mon Dieu, c'est accablé sous le poids de mes fautes que je me prosterne à vos pieds. » « Ce qui est désolant, c'est le froid aux pieds. Avec mon mal de gorge, c'est une bonne grippe que ça me coûtera. Que je me prosterne à vos pieds. Dites-moi, ma belle, savez-vous si la femme des cierges a une chaufferette ? Rien n'est plus mauvais que le froid aux pieds. Et cette madame de paix, qui reste là des heures, je suis sûre qu'elle raconte les péchés de ses amis en même temps que les siens. Ça n'a pas le sens commun. Je ne sens plus mon pied droit. Je lui payerai sa chaufferette, cette femme. » Lisant. J'incline mon front dans la poussière, sous le poids du repentir et de là. Ah, madame de paix a fini, elle est rouge comme un coq. Quatre dames se précipitent avec un pieux élan pour la remplacer. Ah, madame, ne me poussez pas, je vous prie. Mais madame, j'étais ici avant vous. Je vous demande mille pardons, madame. Vous entendez singulièrement le respect du saint lieu. Chut, chut, profitez de l'occasion, madame, faufilez-vous et prenez la place vide. À l'oreille, n'oubliez pas le gros d'hier et les deux petits de ce matin.